بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد. On continue cette série de cours et une réfutation des accusations de Islam ibn Ahmad envers les compagnons ou certains compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et dans la première partie, dans le premier cours, on avait cité une parole tayyiba de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, anna ahl al-bid'a innama dakhala alayhim ad-dakhil li'annahum a'radu an hadhihi at-tariq wa saru yabnuna din al-Islam ala muqaddimat yadhunnuna sihhataha. Une des causes que ahl al-bid'a wal ahwa, ils se sont écartés du chemin droit du haqq, annahum, ils ont fondé leur madhab, leur aqida, sur des principes qui sont faux à la base. Thumma, tout ce qui est venu après, ça c'est batil. Hada, c'est un kalam nafis. Et on a vu ensemble anna hada rajul, par rapport à notre sujet sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum, il a deux approches qui ne sont pas sahiha, belles qui sont batila. Et ces deux choses, ça l'a poussé à ne pas comprendre, ou à ne pas vouloir comprendre la position de Ahl Sunnah sur les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La première approche qu'on avait citée, en parlant des sunnites, ils disent que tout est masha'Allah. Une fois tu as rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc tu peux plus faire ni péché ni erreur. Et on a vu que ça c'est batil. Lianna ahl sunnah comme naqala Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi al-ittifaq, l'unanimité, annahum, ils ont pas cette croyance anna as-sahabi il est infaillible, il peut pas faire de péché ni d'erreur. Hadha awwalan. Et thaniyan annahu qala, et les autres nous disent ay ahl sunnah annahu il faut suivre tout compagnon. Qui est ce compagnon? Celui qui a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam croyant et mort croyant. Il veut faire croire en As-Sunni. Il dit que tous ceux qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont morts à l'Iman, c'est des croyants, c'est des compagnons, et on doit les suivre dans tout. Et ça, c'est batil. Comme on a vu dans le premier point, As-Sahabi, il n'est pas infaillible. S'il se trompe, on revient au délil. Et on a cette croyance, en As-Sahaba, c'est tous des udur. S'ils se trompent et font une erreur, c'est mimbab l'ijtihad. Mimbab l'khata. Ils vont pas délaisser al-adilla volontairement. Radiyallahu ta'ala anhum. Kadhalik, on avait cité la parole d'Ibn al-Qayyim qui est importante. Annahu, faire la différence entre al-udul, et sahaba kulluhum udul, et l'infaillibilité. Annahum, ils sont wa'asum. Fanahnu naqul annahum, c'est tous des udul. C'est des personnes de confiance. Et kadhalik, on a la croyance annahum, ils ne sont pas infaillibles. Ahada. Kadhalik, on avait cité, anna ahl sunnah, ils ont cette aqidah, anna as-sahaba, yatafawatoun fil fadl wal ilm. Ils ne sont pas tous au même niveau. Fa afdaluhum, c'est Abu Bakr, radiyallahu anhu, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali, etc. Le premier cours, l'haqiqa, on a cité des fondements de ahl sunnah, et on a répondu à certaines de ces accusations qui l'ont poussé à accuser as-salafiyyin ahl as-sunnah bi batil, et tout ce que il a cité ba'd ça sera batil. Pourquoi? لانه ما بني على الفاسد فهو فاسد. Et aujourd'hui on continue inshallah ta'ala fi munaqashati hadha ar-rajul fi ta'rif as-sahaba. الصحابي عند أهل السنة والجماعة هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. Un compagnon chez أهل السنة, c'est celui qui a rencontré le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم مؤمنا. Et on a dit rencontré et on n'a pas dit vu, لأن ça peut être une rencontre sans le voir, comme un aveugle. فَمَنْ لَقِيَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا. Donc il l'a rencontré. Première condition. Deuxième condition. En étant croyant. لِأَنَّ certains hypocrites, ils ont rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, certains koufars, ils ont rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, cette rencontre, elle doit être à un moment que cette personne qui a rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un croyant. Troisième condition, wa mata ala dhalik. Il faut que cette personne qui a rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en étant croyant, il meure à l'al-iman. Enfin, s'il a ces trois conditions, la rencontre en étant croyant, et il est mort sur cela, on dit que c'est un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avec tout ce qu'on a cité avant, ce compagnon il n'est pas infaillible, et les compagnons ne sont pas tous au même niveau. Peut-être que ce compagnon il a rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam une fois, et il a un fadl, c'est un compagnon, il a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est mort à l'iman, et il ne sera pas comme Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu qui a fréquenté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de longues années. Et on les aime tous, que ce soit Abu Bakr ou sept autres compagnons. Et la yajuz at-ta'n fihim. Ça c'est la définition inda ahli sunnati wal jama'a. Amma hadha ar-rajul, il cite beaucoup de choses par rapport à ce ta'rif. On avait déjà expliqué dans le dors précédent annahu, il a divisé les compagnons en deux catégories. Une catégorie annahum, il faut les suivre sans condition, c'est as-sabiqoun min al-muhajirin wal ansar, et une deuxième catégorie ay ceux qui sont venus après. Est-ce qu'ils les ont suivis bi ihsan am la? Donc pour lui, cette deuxième catégorie, c'est possible que ce n'est pas un adl. Bel, on avait lu sa parole, et d'autres qui ont embrassé l'islam sont des pervers selon Allah et Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pour lui, iyadam billah, il est cette deuxième catégorie, s'il ne suit pas Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça peut être un pervers. Ils n'ont que du shar comme qala, et d'autres kalam qu'on citera. Wallah al-musta'an. Par rapport au ta'rif, il cite souvent la parole de Saïd ibn al-Musayyib rahimahullah min a'immati tabi'in. C'est un très très grand savant de cette communauté. Bal luqiba bi sayyidi at-tabi'in rahmatullah alayhi. Qala al-imam ibn al-Salah rahimahullah wa qad ruwina 'an Saïd ibn al-Musayyib. Yajuz de dire ibn al-Musayyib wa ibn al-Musayyib bil fath wa bil kasr. Annahu kana la ya'ud الصحابي إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة أو غزوتين انتهى. Donc il a été rapporté d'après Saïd ibn al-Musayyib رحمة الله عليه أنه il a défini le sahabi أنه من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين. Pour que ça soit un compagnon, il faut que il est resté avec le prophète, ou il faut qu'il soit resté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam un an ou deux ans, et qu'il a fait une ou deux batailles au minimum. Ça montre un hada ta'rif, il y a une différence avec le premier ta'rif qu'on a cité qui est ma'rouf inda ahli sunnah, un où il faut avoir rencontré au moins une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amma fi hada ta'rif, il y a une condition, un an, deux ans ou une bataille ou deux batailles. Awalan hada الأثر عن سعيد العلماء اختلفوا فيه هل هو صحيح أم لا. C'est pour ça que Ibn al-Salah قال وقد روينا ما جزم. Il a pas dit وقد روى فلان عن سعيد, لا روينا. فلهذا قال الإمام العراقي رحمة الله عليه كما في تدريب الراوي ولا يصح عن ابن المسيب ففي الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدي ضعيف في الحديث. هذا الأثر Islam ibn Ahmed, il le cite souvent pour démontrer anna fulan et fulan ne font pas partie des compagnons, ou pour lui c'est la deuxième catégorie. Fa la haqiqa, si tu analyses son kalam, fi shay min at-tanaqud, lian le ta'rif de Saïd ibn al-Musayyib, fa la haqiqa il parle pas de deux catégories. Il dit que s'il n'a pas fait un an ou deux ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou une bataille et deux, c'est pas un sahabi. Lakin huwa fi shay min at-tanaqud, il dit c'est un sahabi, lakin la deuxième catégorie, etc. هذا il est ضعيف. الواقدي il est ضعيف. قال الذهبي رحمه الله تعالى كما في السير الواقدي أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه. L'unanimité des محدثين أنه il est ضعيف في الحديث. Et l'imam muslim رحمة الله عليه قال متروك الحديث. Et ça c'est un جرح شديد. أن son hadith il est pas accepté. وابن معين كذلك رحمة الله عليه قال ليس الواقدي بشيء, ليس الرواية نوفو غيان. ومعاوية بن صالح رحمة الله عليه قال قال لي أحمد بن حنبل رحمه الله الواقدي كذاب منتور. على كل حال كما أبين الإمام الذهبي اتفقوا أن الواقدي إلى ضعيف في الحديث. دونك سو كلام دو سعيد بن المسيب المنسوب إليه أولا فيه ضعف. سا سي بروميرمون أن الأثر فيه ضعف. قال النووي رحمه الله تعالى كما في التقريب فإن صح عنه ميم سي اون دي أن الأثر إلى الصحيح عن سعيد بن المسيب قال فضعيف ميم سي صحيح من حيث الإسناد فإلى ضعيف من حيث المتن المعنى أي الكلام اللي با صواب. بوركوا قال النووي رحمه الله فإن مقتضاه أن لا يعد جرير البجلي وشبهه صحابيا ولا خلاف أنهم صحابة. سي اون برون لو تعريف دو سعيد ابن المسيب ميم سي اون دي كيل صحيح لأن سعيد ابن المسيب سان إمام إلي با ان فايب كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc chaque parole d'un imam, on peut la prendre, on peut la délaisser. Ça dépend. Si on dit que Saïd l'a vraiment dit, il est mardoud. Pourquoi ? Si on dit qu'il faut comme condition que ce sahabi soit resté un an, au minimum, ou deux ans, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est un an ou deux ans ? Est-ce que c'est une bataille ou deux ? Il faut que ça soit précis. Mais si on prend le minimum, une bataille et un an, ça voudrait dire que Jarir al-Bajali, c'est un sahabi le ma'rouf. On ne peut pas le compter parmi les sahaba. Pourquoi ? Parce qu'il s'est converti à la fin. Kadhalik, ceux qui ont fait Hajjat al-Wada avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont beaucoup. Ils ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin. Hajjat al-Wada, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est mort quelques mois après. Donc ils n'ont pas pu rester un an avec lui. Et kadhalik, ils n'ont pas fait de bataille ma'ah alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, est-ce qu'on va dire tous ceux-là c'est plus des compagnons à la hadith ta'rif? Qala al-Hafid ibn Hajar rahmatullah alayhi wal amal ala khilaf hadha al-qawl ay qawl sa'id amal ahl al-ilm il est ala khilaf hadha al-qawl. Pourquoi? Qala li'annahum ittafaqu ala 'ad jam'in jam' min as-sahaba lam yajtami'u bin nabi sallallahu alayhi wa sallam illa fi hajjat al-wada'. Beaucoup de compagnons ils sont reconnus comme étant des compagnons dans les kutub de Tarajim, que ce soit des sahaba ou autres, ils sont cités dans les tabaqat des sahaba. Et taqaddam ma'ana anna al-ulama, ils mettent au même niveau tous les compagnons. Ils ne vont pas mettre au même niveau les quatre califes avec ces compagnons, radiyallahu anhum, qui ont rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la fin. Lakin ils sont tous à la khair. Et on les aime tous fillah. Et on déteste ceux qui les accusent ou qui les insultent. Fahada awwalan. Il cite souvent ce athar. Donc, al-athar aslan il est da'if, et si on dit qu'il est sahih, ça fait la haqiqa, al-kalam il n'est pas sawab. Pourquoi ? Les anna beaucoup de compagnons, ils ont rencontré Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hajjat al-wada'. Et ils sont reconnus comme étant des compagnons. Thaniyan, il cite souvent Islam ibn Ahmed dans ses interventions, quand il parle des compagnons, anna al-usuliyin. Et les savants du usul, usul al-fiqh, ils ont un autre ta'rif. Le ta'rif qu'on a cité, le premier, man laqiya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bih wa mata ala dhalik, celui qui rencontre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en étant croyant et meurt sur l'iman, sur l'islam, c'est un compagnon. Hada, c'est la signification ou c'est la définition des muhaddithoun, des savants du hadith. Al-usuliyoun, on va voir, est-ce que tous, où ils ont divergé, Mouhim, ils ont une autre définition. On lit la parole de Hadar Rajul Islam ibn Ahmed dans une conférence ou une intervention, suivez les Sahaba, oui, mais qui sont-ils ? Tous les savants de Al-Usul, ta'ammalou son kalam, ils citent que tous les savants, et l'unanimité des savants de Al-Usul, prenez n'importe quel livre, chapitre du compagnon, les livres de Usul, il y a toujours un chapitre. Fi as-sahabi. Les livres de Usul, ils traitent des adillah. Ils vont citer Al-Quran, ils vont citer As-Sunnah, ils vont citer Al-Ijma', ils vont citer Al-Qiyas, et ils citent as-sahabi. Est-ce que sa parole c'est une preuve, Amla? Ça c'est un chapitre, il est connu dans les livres de Usul. Et ulama al-Usul, ils citent toujours c'est qui le sahabi. Pour savoir si sa parole c'est une preuve, Amla, il faut savoir c'est qui le compagnon. Et ils citent des définitions. Donc, Islam ibn Ahmad, il dit dans tous les livres de Usul, qu'est-ce qu'ils disent al-Usuliyoun? Et tous sont d'accord que le compagnon est celui qui a fréquenté longtemps un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait le djihad, qui a reçu l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour lui, inda ulama al-Usul, celui qui a rencontré qu'un instant un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, aucune fois, aucune heure, aucun jour, Mouhim, il n'est pas resté avec un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour lui, ce n'est pas un compagnon. Aïe, pour ces savants de l'Usul, tous les savants de l'Usul, il a dit. Donc c'est l'unanimité des savants de l'Usul. Hadha al-kalam, il n'est pas sahih. Ça montre un ar-rajul, il cite des choses et il n'est pas précis. Et il s'avance dans des choses. Al-haqiqa, c'est imma min bab al-jahl, imma il est ignorant, il ne connaît pas les autres aqwal, imma c'est un mulabbis. Il sait, lakin il veut faire croire que tout le monde dit ça. Isma, kalam ibn al-hammam, rahmatullah alayhi. Fi at-tahrir fi usul al-fiqh, c'est un imam parmi les imams de al-usul, il fait partie de a'immat al-hanafiyya. Qala as-sahabi 'inda al-muhaddithin, un compagnon 'inda ulama al-hadith wa ba'd al-usuliyyin, et certains savants du usul, c'est qui man laqiya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam musliman wa mata 'ala al-islam. On a cité ce kalam pour montrer anna sa prétention. Les savants du Usul, ils disent tous que le compagnon, ce n'est pas celui qui a que rencontré Nabi sallallahu alayhi wa sallam une fois, comme ils disent les savants du Hadith. Il veut différencier. Il sait que ulama al-Hadith, ils disent hada. Que ce soit l'imam Bukhari, que ce soit Muslim, que ce soit Ali ibn al-Madini, on verra certaines de leurs paroles. Rahmatullah alayhi. Il le sait. Lakin, il sait aussi que certains savants du Usul, ils disent une autre définition qui est basée sur le kalam de Saïd ibn al-Musayyib. Et l'un, il veut faire croire que tous les savants du Usul, ils ont contredit les savants du hadith. Donc la question qu'on peut se poser, pourquoi suivre les savants du hadith? Pourquoi on ne suit pas les savants du usul? Awalan, et intabih akhi al-karim, ne crois pas tout ce que al-mubtiloun, al-haqidoun, ahlul ahwa, ils disent. Li'annahum, kathir minhum la yatawarra'un an al-kadhib. Ils ont plus de limites, iyadam billah. Tous les savants du usul, on va citer quelques paroles pour montrer que son kalam il est khata. قال الإمام الصحاوي رحمة الله عليه في فتح المغيث شرح ألفية الحديث et c'est un grand savant du hadith. وما حكاه أي السمعاني عن الأصوليين. الإمام السمعاني il a rapporté que les savants du أصول ils ont mis comme condition طول الصحبة, avec il faut rester un certain moment avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un instant ça suffit pas, un jour ça suffit pas, une heure ça suffit pas pour être un compagnon. As-Sakhawi, il va lui répondre. Ay, à l'imam As-Sam'ani. عن الأصوليين أي اشتراط طول الصحبة هو طريقة لبعضهم. Donc il a repris l'imam As-Sam'ani. Annahu, il a prétendu que les savants du Usul disaient telle chose. As-Sakhawi, rahmatullah alayhi, il a répondu annahu, c'est طريقة البعض. Certains d'entre eux, ils ont dit ça. Il ne faut pas dire tous. وجمهورهم على الأول بل الإمام السخاوي montre que la plupart des savants du Usul ils sont d'accord avec les savants du Hadith. على كل حال, est-ce que les savants du Usul, la majorité ils disent comme les savants du Hadith ou la majorité contredisent les savants du Hadith, c'est un autre sujet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est كلام Islam ibn Ahmed il est batil. Tous les savants du Usul ils ont dit là, certains savants du Usul ils ont dit نعم. Et nous en tant que mu'min, en tant que suiveur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il prétend ou à beaucoup de ses interventions, il faut revenir au Coran, il faut revenir à la Sunna, il ne faut pas s'entêter. Nous, que les savants du Usul, ils ont dit telle chose, ou les savants du Hadith, on revient au Haqq. C'est quoi le délil à la qawlik? Les Anahoua, il dit tous les savants du Usul. Nous, on peut le dire tous les savants du Hadith. Alors qu'on sait, c'est pour ça qu'on ne le dira pas, que certains savants du Hadith, ils sont d'accord avec eux, ulama al-Usul. Ils disent qu'il faut un certain temps. Saïd ibn Musayyib, in Sahha'an, et d'autres. Donc, ce n'est pas une question ulama al-hadith ou ulama al-usul. C'est une question de dalil. Comment reconnaître un compagnon? C'est qui le compagnon? On est obligé d'avoir des preuves pour affirmer une chose. Limadha li'anna, on parle fi dinillahi azza wa jal. On ne défend pas notre qawl à nous. Comme il fait hadha al-makhdoul. Pour faire du mal aux autres. Là, notre objectif c'est le haqq. La vérité, où qu'elle se trouve, on la suit. On cite avant de citer des preuves pour voir est-ce que c'est les savants du hadith ou certains savants du usul. Mouhim, c'est quelle définition qui est basée sur le dalil. On citera bi'idhnillahi azza wa jalla certaines preuves. Avant cela, je vous cite certaines paroles de grands savants du usul pour montrer son qawl. N'importe quel livre, chapitre du compagnon, ils sont tous d'accord. Ibn Subuki, il fait partie des grands imams du usul, fi jam' al-jawami' fi usul al-fiqh, qala as-sahabi man ijtama'a mu'minan bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa in lam yarwi wa lam yutil. As-sahabi, c'est celui qui a rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en étant croyant, même s'il n'a pas rapporté de hadith, et même si cette rencontre elle était courte, même si ce n'était pas longtemps. Hada imam min a'immat al-usul. Et on précise que certains de ces imams, ils ne sont pas à la sunnah. Nous, on cite leur kalam, min bab rad ala hada ar-rajul. Wa illa, on sait, walillahi alhamdulillah, certains de ces imams fil usul, wa rubbama, c'est des ash'ari fil aqidah, des mu'tazila et autres. Wa qala al-amidi fil ihkam. C'est une référence fil usul. Al-ihkam lil-amidi. C'est un hanbali au départ. ثم سيدفنوا أن شافعي في المذهب قال اختلفوا في مسمى الصحابي لا شك فيه أنهم ils ont divergé dans la définition du صحابي فذهب أكثر أصحابنا وأحمد بن حنبل أكثر أصحابنا أي الشافعية وأحمد بن حنبل إلى أن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يختص به اختصاص المصحوب ولا روى عنه ولا طالت مدة صحبته. Le compagnon, il l'a défini comme on a cité le ta'rif de Ahlis Sunnah, le ta'rif de Kathir min al-Muhaddithin, celui qui a rencontré Nabi sallallahu alayhi wa sallam croyant et il est mort à l'islam. Wa dhahaba akharun, et d'autres, ils ont un autre avis. As-sahabi innama yutlaq ala man ra'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa talat muddatu suhba. Cette condition, il faut l'avoir vu, rencontré et rester avec lui un certain moment pour devenir un compagnon. وإن لم يروي عنه ثم قال والأشبه إنما الأول الآمدي qui fait partie des savants du usul, après avoir cité la divergence, قال l'avis le plus proche de la vérité, c'est la première définition, أي la définition de أهل السنة المحدثون. وقال البيضاني أو البيضاوي في منهاج الأصول إلى علم الأصول, et c'est un شافعي المذهب. Il a cité la définition du sahabi, man ra'ahu sallallahu alayhi wa sallam wa in lam yarwi anhu wa lam tutil muddatuh. Donc toujours la même définition. Celui qui a rencontré Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est mort ala l'iman, il l'a rencontré en étant croyant, même si ce n'était pas longtemps. Wa kadhalik, on ne va pas lire tous les aqwal, ils sont nombreux. Ibn al-Hajib fi mukhtasarihi fi ilm al-usul, kadhalik, il a cité ce ta'rif, pourtant c'est un savant de l'usul. Et il fait partie des Al-Malikiyya, il suit Madhab Al-Imam Malik. Ibn al-Najjar, كذلك, في شرح Al-Kawkab Al-Munir, et c'est un Hanbali Al-Madhab. Il a cité le ta'rif de Ahl al-Sunnah, de Al-Muhaddithoun, alors que c'est un savant du Usul. Al-Shawkani, rahmatullah alayhi, كذلك, في Irshad Al-Fuhul, et il est considéré comme un savant fil Usul. Et Ibn Qudama, Al-Maqdisi, rahmatullah alayhi, في Rawdat Al-Nadir, et il fait partie des savants de l'Usul. Il a un livre fait l'Usul, Al-Rawda, et d'autres, Al-Qadi, Abu Ya'la, et Al-Asnawi, min al-Shafi'iyya, et beaucoup d'autres. Al-Muhim, on a cité certains de différentes écoles pour montrer cette unanimité qui prétend, elle est fausse. Et il ne nous reste qu'une chose, l'un. Si on veut le haq, c'est de se comporter en suiveur du haq par rapport à la divergence. Comme a qala Azza wa Jal, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Si vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, quand il y a une divergence, tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala et au Coran et au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et à la sunnah. Amma, les prétentions de Islam ibn Ahmed, ça nous montre annahu imma il est jahil et il se précipite, imma c'est un moulabbis. فالواجب علينا جميعا que ça soit dans ce sujet ou autre أن نأخذ القول qui est fondé sur le dalil ou le hujja, et on fait attention à maslak أهل البدع والأهواء, de prendre l'avis qui nous arrange ou l'avis on s'est habitué à cet avis, on ne peut plus changer. نحذر من هذا المؤمن السني il doit toujours faire des efforts pour suivre As-Sunna, même s'il contredit la parole d'un tel et un tel. On cite certaines preuves pour appuyer anna al-sahih fi ta'rif al-sahabi ma dhakarahu al-hafid ibn Hajar, et c'est qawl amma al-muhaddithin et ba'd al-usuliyin, et c'est al-sahih anna al-sahabi man laqiya al-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bih wa mat ala dhalik. C'est ça un compagnon. Même s'il n'a rencontré qu'un instant, le fait qu'il l'ait vu ou rencontré s'il était aveugle, c'est un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il aura un degré fil fadl par rapport à sa fréquentation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un compagnon qui restait 10 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est afdal qu'un autre qui est resté qu'un court instant. Ma'anna, ça ne veut pas dire que celui qui restait plus longtemps ou qui a connu Nabi sallallahu alayhi wa sallam avant, il est forcément meilleur que l'autre qui est venu après. Wa dalilu ala hadha anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il est rentré fil islam pas le premier, ni le deuxième, ni le troisième. Là, il est venu et ils étaient à peu près une quarantaine ma'an Nabi sallallahu alayhi wa sallam quand il s'est converti. Radiyallahu ta'ala anhu. Ma'a dhalik al-ijma', l'unanimité de l'umma, أنه سأفضل الصحابة أخي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أنصتكم أدلة أولا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبدأ عموما أن des groupes de cette communauté, ils feront al-jihad. Fayuqalu lahum, on leur demandera, est-ce que certains d'entre vous, ils ont vu al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Wa fi riwaya, hal tajiduna fikum ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que parmi vous, il y a un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et dans l'autre, est-ce que l'un de vous a vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Fayaqulu na'am, ils diront na'am. Fayuftahu lahum, ay barakat al-liqa al-ru'ya al-nabi sallallahu alayhi wa sallam yuftah lahum, ayyun sarun, ils seront secourus et ils auront le dessus. Pourquoi? Il y en a certains d'entre eux, ils ont vu al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-hadith il est fi al-sahihayn, et ce lafd c'est lafd al-imam muslim. Qala shaykh al-islam ibn taymiyya rahmatullah alayhi fadalla anna al-ra'i huwa al-sahib. Dans ce dalil t'as une preuve, celui qui a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un compagnon. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Fikum man ra'a Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam » Ça montre que mujarrad al-ru'ya, c'est un fadl. C'est quelque chose de azim. C'est pour ça que « yuftah lahum » Ça montre que ru'ya, ça fait de cette personne un sahab. C'est pour ça que dans l'autre lafd, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam « Hal tajidun fikum ahadan min ashabin Nabi sallallahu alayhi wa sallam » هذا الدليل الأول. وابن المديني رحمة الله عليه كما في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي رحمة الله عليه قال من صحبه سنة أو شهر أو ساعة أو رأى. Celui qui a fréquenté un Nabi صلى الله عليه وسلم pendant un an, un mois, une heure, ou simplement il l'a vu, ou وفد إليه, ou que de passage, لكن il l'a rencontré, فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ, il fait partie des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لَهُ مِنَ الصُّحُبَ عَلَى قَدْرَ مَا صَحِبَهُ, il aura le mérite d'être un compagnon par rapport aux efforts qu'il a fait, à la fréquentation qu'il a eu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قَالَ فَأَدْنَاهُمْ صُحْبَةً هُوَ أَفْضَلْ مِنَ الَّذِينَ لَمْ يَرَوْهُ وَلَوْ لَقُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ بِجَمِعِ الْأَمْرِ. Si tu prends le sahabi qui a le moins de fadl, et ils sont tous à la khayr, lakin celui qui a le moins de fadl par rapport aux autres, il est afdal, il est meilleur. Et ceux qui sont venus après, tu ne trouveras pas wahid qui est meilleur que ce sahabi. Qala ibn al-Madina rahmatullah alayhi wa law laqa Allah azza wa jal bi jami' al-a'mal, même s'il rencontre Allah azza wa jal, et cet homme qui est venu après les compagnons, avec toutes les œuvres, il n'atteindra pas le niveau de ce sahabi qui est dans les plus bas degrés de sahaba. Et Ali ibn al-Madini, ta'lamoun, c'est min mashaykh al-imam al-Bukhari, rahmatullah alayhi, min rijal al-Bukhari, al-imam Bukhari le cite souvent, haddathana Ali, ibn al-Madini, rahmatullah alayhi. Qarin, compare le kalam de Ali ibn al-Madini, c'est un grand imam, rahmatullah alayhi, avec kalam al-Makhdhul Islam ibn Ahmed. Et c'est ça ce que le compagnon chez le Muhaddithin. Et on a fait de cette définition une définition dogmatique. Que c'est ça le compagnon. Sachant que beaucoup de ceux, des compagnons avec cette définition, sont loin d'être représentants du modèle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sont beaucoup loin, peut-être le derrière d'entre nous est meilleur que certains. Le meilleur d'entre nous, de notre génération là, non ? Avec toutes les faiblesses, tous les péchés, toutes les fitnes, le meilleur d'entre nous, enfin, il est meilleur que certains. Ali ibn al-Madini, rahmatullah alayhi, قال, هو أفضل من الذين لم يروا ولو لقوا الله عز وجل بجميع الأعمال. C'est quoi la différence entre Ali ibn al-Madini et sa parole et la parole de هذا المخذول? Il n'y a aucune comparaison à faire. Ali ibn al-Madini, c'est من أئمة السنة et هذا c'est un مخذول, un جاهل. لكن l'imam Ali ibn al-Madini, il donne de l'importance à la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose de azim. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a élevés. Et ils ne sont pas infaillibles. Lakin on les aime fillah. Amma hadha al-makhdhul, il donne aucune importance à hadha. C'est pour ça qu'il a fait son tafsil batil. Et fil haqiqa wahid, il peut dire, mais certains imams, ils ont dit kadhalik. Certains imams, et sahih, certains imams, min ulama al-usul et d'autres, ils ont dit, il faut un an, deux ans, une bataille. La différence entre les deux, c'est que ceux qui disent que le compagnon, il faut minimum un an ou une bataille pour que ça soit un compagnon, ils n'insultent pas les autres. Même s'ils disent que ce n'est pas un compagnon, ils ne l'insultent pas. Ils ne l'accusent pas. Tu as déjà entendu un tas, Saïd ibn al-Musayyib, in saha an, le premier tarif bien sûr, ou un autre, parmi les savants qu'ils ont dit, qu'ils ont cité ces conditions, il faut être sous un certain moment avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu as déjà entendu un d'eux dire que le dernier d'entre eux, il est meilleur que certains? C'est ça la différence. Enfin, faites attention, Ahl al-Batil, ils ont du makr, ils ont du khida'. Deuxième preuve qu'on peut citer pour appuyer notre qawl, أن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم il est parti au cimetière et il a dit السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. Le dua qui est connu pour visiter المقبرة, le cimetière. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وددت أن قد رأينا إخواننا. النبي صلى الله عليه وسلم il a dit à ses compagnons, j'aurais aimé voir mes frères. Ils lui ont répondu, قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله. Est-ce qu'on n'est pas tes frères يا رسول الله? فقال عليه الصلاة والسلام أنتم أصحابي. Vous êtes mes compagnons. وإخواني الذين لم يأتوا بعد. Et mes frères, c'est ceux qui ne sont pas encore arrivés. Ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas rencontré, il n'a pas vu. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il montre la différence entre un sahabi et un autre. Ceux qui sont venus après sa mort, forcément il ne les a pas vus, il ne les a pas rencontrés. Si c'est des mu'mines, c'est ses frères. Ceux qui étaient à son époque et qui l'ont vu ou rencontré, c'est ses compagnons. Qala Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi fi minhaj al-sunnah faja'ala sallallahu alayhi wa sallam hadha haddan fasilan بين إخوانه الذين ودى أن يراهم وبين أصحابه. Donc c'est ça la différence entre ses frères et ses compagnons. C'est une rencontre. فدل على أن من آمن به ورآه فهو من أصحابه. Les ulama, beaucoup d'entre eux dans la définition, ils disent qu'ils l'ont vu. Ça c'est min bab al-ghalib. En général, celui qui rencontre Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il l'a vu. Pas des exceptions comme les aveugles. لا من هؤلاء الإخوان الذين لم يراهم ولم يروا. Et ses frères au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ceux qui ne l'ont pas vu, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne les a pas vus. Pourquoi? Il y en a eu une différence dans le temps. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est mort avant leur arrivée. Ça te montre, il y en a ceux qui étaient avec lui, qui l'ont vu, qui l'ont rencontré, c'est des compagnons. Antum ashabi. Le hadith, il est fi sahih muslim. Donc on a cité deux preuves, hadith Abi Hurayra ou hadith Abi Sa'id, et les deux hadiths, ils sont fi sahihain ou fi sahih muslim. Amma Islam ibn Ahmed, il a cité des preuves pour appuyer son kalam. Il a cité awalan hadith al-hawd. Taqaddam ma'ana fi sharh al-lamiyya. Il le cite souvent pour appuyer un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a démontré que certains qu'il a vus, qu'il connaissait, il les a appelés ashab, alors qu'ils seront rejetés, repoussés min al-haw. Ouais, il cite ce hadith pour montrer qu'ils ont été repoussés. Pourquoi les anahum, ils ont changé, ils n'étaient pas sur le droit chemin. Il y en a ceux qui sont sur le droit chemin, ils ne seront pas repoussés. Shubha. Et Ar-Rawafid qatalahumullah, il cite souvent ce délit. Pourquoi? Pour attaquer les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont égarés après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été injustes envers Ali, etc. Il cite ce hadith. Et هذا المخذول كذلك يثبت ce hadith. Al hadith أن أناسا يذادون عن الحوض أي يطردون, ils seront repoussés. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء من أصحابي. Quand les anges repousseront ces personnes, le Nabi صلى الله عليه وسلم il va les reconnaître, il va dire هؤلاء c'est mes compagnons. Dans une autre riwaya أصيحابي أصيحابي, et dans une autre riwaya أمتي, ils font partie de ma communauté. Les hadiths, ils sont sahih, fi sahih al-Bukhari, fi sahih Muslim, an adad min as-sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Donc il y a min hayth as-sihha, il y a aucun ishkal. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi sharh sahih Muslim, hadha mimma ikhtalafa fihi al-ulama fi al-murad ala aqwal. Les savants, ils ont divergé sur l'explication de ce hadith. C'est qui haoula? Ashabi. Ils ont plusieurs aqwal. Le premier qawl, ahaduha, aïe de ces aqwal, anna al-murad bihi al-munafiqoun. Certains savants, ils ont dit, anna ha'ula, c'est des munafiqoun, des hypocrites. Islam ibn Ahmed, qala, dans son intervention, les sahaba, d'après le Coran, la sunna et le jumhur, vous allez dire, comme certains ont dit, ce sont des hypocrites. Ça vous montre, annahu, il sait aqwal, ahl sunna. Lakin ça montre qu'il a du inad. Ça montre qu'il n'est pas à l'adjahm. Bel il est à la dhalal, mubin, dans ce sujet et dans d'autres. Vous allez dire, comme certains ont dit, ce sont des hypocrites. Non. Certains, ils ont dit hada. Certains, ha'ula, c'est min ulama, et sunna. Ils ont choisi ce qaw. Ouais, il n'est pas d'accord. Qala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le nom des hypocrites. Donc, il ne va pas se tromper. Sa première hujja. Anahu, il dit, pourquoi vous dites que c'est des hypocrites alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il connaissait les hypocrites. C'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, s'il aurait su que c'est des hypocrites, il n'aurait pas dit mes compagnons. Mais vous, كذلك قال Islam ibn Ahmed, il les a appelés mes compagnons et ma communauté. Ça serait des hypocrites, il n'aurait pas dit mes compagnons ma communauté. أولا قال الله عز وجل في كتابه الكريم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وممن حولكم من الأعراب منافقون. أي certains من الأعراب, الأعراب c'est ceux qui vivaient dans la campagne, certains d'entre eux c'est des منافقون. ومن أهل المدينة كذلك, certains qui vivent في المدينة c'est des منافقون. Allah subhanahu wa ta'ala, il yaqul hadha li nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam. La ta'lamuhum, tu ne les connais pas. Alors que al-makhdhul yaqul, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait le nom des hypocrites, il ne va pas se tromper. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, connaissait tous les hypocrites? Il avait des noms, comme a fait hadith Hudhayfa ibn al-Yaman, annahu, il avait une liste avec les noms des hypocrites. Hatta Umar Marra radiyallahu anhu, il a demandé à Hudhayfa, est-ce qu'il ne fait pas partie de cette liste? Et min shiddat wara'ih radiyallahu an, et Hudhayfa lui a dit là, ça prouve que Hudhayfa il avait une liste que Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui avait donnée. Est-ce que ça veut dire que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il les connaissait tous? Là, Allah subhanahu wa ta'ala قال la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum, lakin Allah il les connaît tous. Donc fi al-haqiqa haoula, ceux les savants de la sunna qui ont dit que haoula c'est des hypocrites, ça veut pas dire que Nabi sallallahu alayhi wa sallam il les connaissait là, que c'est des hypocrites. Il n'aurait pas dit ashab illa. Ça veut dire que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, haoula, il ne savait pas que c'était des hypocrites. C'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala ashabi. Il pensait que c'était certains de ses compagnons. Quand les malaïka, ils lui ont dit, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala suhqan, suhqan. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ne connaissait pas le ghaib. Et il ne connaissait pas tous les hypocrites. Qala al-imam ibn Kathir rahmatullah alayhi, قوله لا تعلمهم نحن نعلمهم لا ينافي قوله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. Ibn Kathir, rahmatullah alayhi, c'est une faïda. On a le verset qu'on a cité, la ta'lamuhum, et tu ne les connais pas, certains de ces hypocrites. Avec l'autre verset, wa law nasha la araynakahum, si on aurait voulu, on te les aurait montrés, fa la araftahum bisimahum, et tu vas les reconnaître avec leurs caractéristiques. Ibn Kathir dit, il n'y a pas de contradiction entre les deux versets. Pourquoi? قال أن هذا من باب التوسع فيهم بالصفات يعرفون بها لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين. Ça, ce verset, le deuxième, il montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il connaissait les caractéristiques des hypocrites. Parmi ces caractéristiques, قال عز وجل ولا تعرفنهم في لحن القول. Tu les reconnaîtras dans leurs paroles, ils embellissent leurs paroles. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il connaissait les caractéristiques des hypocrites. Ça ne veut pas dire qu'il les connaissait tous. Pourquoi? On a une preuve. La ta'lamuhum, nahnu na'lamuhum. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand ils lui ont informé anna ha'oula, ils ont délaissé le droit chemin après lui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, suhqan, suhqan. Donc, hada fil haqiqa, c'est wadih. Ça, c'est le premier qawl. Faqat, certains savants, ils disent que c'est le munafiqoun. D'autres savants, qala al-imam al-Nawawi rahmatullah alayhi, الثاني أن المراد من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده. دوزيام قول دي سافون دو لا سنة أن هؤلاء إزت على الإيمان quand النبي صلى الله عليه وسلم il est parti. C'est pour ça que النبي صلى الله عليه وسلم il les a appelés أصحابي, il les a laissés, ils étaient à l'Iman. ثم quand il est mort, ils ont délaissé le droit chemin et sont sortis de l'islam. عياذا بالله. Islam ibn Ahmed, il va répondre à ce deuxième avis, vous allez me dire, ce sont des apostats. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas que l'apostat fait partie de la communauté. Ta'ammalou, son kalam, al-haqiqa, c'est fondé sur la précipitation, sur le djahl, et il mélange beaucoup. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas dire que l'apostat fait partie de la communauté. Ta'ammal al-hadith, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Non, j'ai dit au prophète, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a laissés à l'Iman. Thumma, ils sont sortis de l'islam. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a pris à l'Allah. Quand ils l'ont informé, ils ont changé après lui. Qala suhqan suhqan, il n'y a aucun mani. Islam ibn Ahmed, il continue. Donc, même si on suppose que c'était des apostats, ils sont tombés dans l'apostasie après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils étaient compagnons autrefois. Ya miskin, un Nabi, al-ta'rif. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هؤلاء ils sont pas morts à l'islam. Pourquoi dire que c'est des compagnons autrefois? Imma c'est un compagnon, imma c'est pas un compagnon. Enfin, si ils sont morts à la ghayr al-islam, quand les anges ils ont dit au prophète صلى الله عليه وسلم innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, le Nabi صلى الله عليه وسلم قال suhqan suhqan. Et كذلك كأنه quand il dit anna c'était des compagnons autrefois, كأنه أهل السنة ils ont une aqida anna le compagnon il est infaillible. On revient toujours à ça. C'est pour ça qu'on l'a cité dans les deux approches. Nous, on a la conviction qu'ils ne sont pas infaillibles. Et nous, les compagnons et ceux qui sont morts à l'Iman, à cette catégorie, ils sont très peu, comme on va voir, qu'ils ont délaissé le haq après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils sont sortis de l'islam, ce n'est pas des compagnons. Pourquoi? Les annahum, ils ne sont pas morts à l'Iman. Enfin, deux conditions pour un compagnon. Il a rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il est mort à la dhalik. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في شرح حديث جبريل في تعليم الدين المراد بهؤلاء الأصحاب أناس قليلون ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا على أيدي الجيوش المظفرة التي بعثها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقتال المرتدين. الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى يمونتخ بيان أن هؤلاء Al-Ashab, ils étaient très peu. Awalan, ils étaient peu. Thanian, ils sont sortis de l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, il les a combattus. Aïe, ceux qui n'ont pas voulu donner la zakat, et ils sont sortis de l'islam. Abu Bakr, il les a combattus, radiyallahu anhu. Aïe, certains d'entre eux. Et d'autres, ils n'étaient pas sortis de l'islam. Et d'autres, ils ont délaissé l'islam, ils ont fait tawba, ils sont revenus. Al-Muhim, elle n'a ceux qui sont morts à la ghayr al-islam, alors qu'ils avaient vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est eux qui sont cités dans ce hadith. Kadhalik, c'est la parole, l'explication de Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi fi sharh Riyad al-Salihin. Naam, nakmil, il reste un peu par rapport aux hadith qu'il a cité. Hatta le dernier cours, inshallah, on essaie de finir et on cite ces accusations directes envers certains compagnons. Deuxième dalil qui cite donc son premier dalil, hadith al-hawd, fal ulama imma qalu c'est des munafiqoun, imma qalu c'est des murtaddoun. Ils font savoir que c'est des gens qui étaient très peu, et bien sûr c'était pas les compagnons qui sont restés avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à un certain moment, certains min al-arab qui s'étaient convertis, qui avaient vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, thumma après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont délaissé de dire. Deuxième hadith, qawluhu la tasubbu ashabi. Il le cite souvent. Fi sahihayn, an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu an, qala kana bayna Khalid ibn al-Walid wa bayna Abd al-Rahman ibn Awf shay'un, fasabbahu Khalid. Il y a eu un problème entre Khalid ibn al-Walid et Abd al-Rahman ibn Awf. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tasubbu ashabi. Et dans une riwaya, ahadan min ashabi. Islam ibn Ahmed qala, est-ce que cela veut dire que Khalid n'est pas un compagnon? C'est une question. Et il répond non. Cela veut dire juste que Khalid ibn al-Walid ne peut pas atteindre le degré de Abd al-Rahman ibn Auf. Et hada, c'est wadih. Personne min ahl al-Sunnah dit que Khalid ibn al-Walid, il a atteint le degré de Abd al-Rahman ibn Auf. Abd al-Rahman ibn Auf, il fait partie de l'Mubashsharin bil-Jannah. Hada la ahad le contredit fi hada. ثم يكونكلود دونك il y a deux catégories etc. هذا سوى واضح. بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه قال في منهاج السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه لا تسبوا أصحابي يعني عبد الرحمن بن عوف وأمثاله لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون وهم الذين أسلموا قبل الفتح وقاتلوا وهم أهل بيعة الرضوان فهؤلاء أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان وهم الذين أسلموا بعد الحديبية. شيخ الإسلام ابن تيمية يمونتر بيان رحمة الله عليه qu'il y a une différence entre عبد الرحمن بن عوف et خالد بن الوليد. لكن est-ce que ça veut dire qu'on va critiquer خالد بن الوليد et les compagnons qui sont venus après? أبداً. لكن on a cette عقيدة أن الصحابة ils ont pas tous le même degré. عبد الرحمن بن عوف il fait partie de السابقون الأولون من المهاجرين. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam bâchara bil jannah. Il fait partie de afdal as-sahaba après les quatre califes radiyallahu anhu. Wal maqsoud huna qala shaykh al-islam annahu nahyun liman sahibahu akhiran an yasubba man sahibahu awwalan. Lianna Islam ibn Ahmed et d'autres dhullal ils prennent ce hadith pour dire que Khalid ibn al-Walid c'est pas un sahabi, ou de dire comme Islam ibn Ahmed dit qu'il fait partie de la deuxième catégorie. Et cette catégorie, ils ne sont pas comme la première aïd et udoul. Vous avez compris. Cheikh al-Islam yaqoul anna qawluhu la tasubbu ashabi, n'insultez pas mes compagnons. Ça ne veut pas dire que Khalid ibn al-Walid et les autres, ce n'est pas des compagnons. Là, lakin le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a démontré que haoul al-ashab, ils ont un rang plus élevé, ils sont plus anciens, ils ont plus de ilm. Donc ne les insultez pas. Oh mes compagnons, n'insultez pas mes compagnons qui étaient avec moi depuis le début, etc. Ça ne veut pas dire que les autres, ce n'est pas des compagnons. Abadan. Qala, l'imtiyazim anhum fi suhba bima la yumkin an yushrikahum fi hatta qala law anfaqa ahadukum mitla uhudin zahaba ma balaga mudda ahadihim wala nasifa. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا من بعد الفتح وقاتلوا وهم من أصحابه التابعين السابقين مع من أسلم من قبل الفتح وقاتل وهم أصحابه السابقون فكيف يكون؟ يتدي الآن شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم il a interdit certains de ses compagnons qui sont venus après le fait etc d'insulter les premiers parmi les مهاجرين والأنصار. قال شيخ الإسلام فكيف يكون حال من ليس من أصحابه بحال مع أصحابه. Que dire de celui qui fait pas partie des compagnons et il insulte les compagnons. Et نحن on rajoute que dire de مثل هذا المخذول الإسلام ابن أحمد وغيره أنه il fait partie de notre génération de fitna et de dhaaf, et il ose dire que certains d'entre nous il peut être meilleur que certains de la deuxième catégorie et certains compagnons qui sont venus à la fin. Ayyadam billah. C'est ça qu'on doit retenir de ce hadith. La tasubbu ashabi. Amma ar-rajul, il a voulu différencier les deux catégories pour montrer que si on critique Muawiya et d'autres, fa fil haqiqa c'est pas grave, on n'a pas critiqué as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar al-udul et ceux qui les ont suivis bi ihsan. C'est ça son qasd. troisième hadith, troisième preuve qu'il utilise, amma le deuxième, fa fil haqiqa, personne dit que Khalid ibn al-Walid il est comme Abdurrahman ibn Auf. Abadan. Lakin Khalid ibn al-Walid c'est un sahabi. Et on l'aime parce que c'est un sahabi. Et on a une aqida, annahu, il n'est pas comme le muhajirin ou l'ansar fil fadl. Lakin, jamais on l'insulte. Et on déteste ceux qui l'insultent et qui insultent n'importe quel sahabi. Troisième hadith, ana wa ashabi hayyiz wa nas hayyiz. Hadha al-hadith, il le cite souvent, bi isnadih, dans ses interventions, comme as-sahaba d'après le Coran, wa sunna wa al-jumhur. Et il cite le hadith, l'imam Ahmed rahmatullah alayhi, il a rapporté, كذلك at-tabarani rahimahumullah. الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح حتى ختمها وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم إلى غسيتي ست سورة ça fait partie des dernières sourates qui sont descendues إذا جاء نصر الله والفتح. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a récité quand il a fini قال الناس حيز وأنا وأصحابي حيز أي les gens ils sont d'un côté et moi et mes compagnons on est d'un côté. وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. Ici ce hadith. Ici ce hadith هو pour démontrer أن certains qui étaient à l'époque du Nabi صلى الله عليه وسلم et qui l'ont vu, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne les a pas fait rentrer fihada. Lui et ses compagnons sont d'un côté, les autres ils sont d'un côté. Et fait, haqiqah, où il veut atta'n fi bani Umayya avec ce hadith, et on ne détaillera pas, inshallah ça viendra. Si on cite cette ronade fi Muawiyah takfi. Aham shay ce hadith qui cite, kadhalik fi dha'af. Al-Imam Abu Dawud, rahmatullah alayhi, fi sunan, il a rapporté al-hadith, thumma qala Abu al-Bakhtari, lam yasma' min Abi Sa'id. Dans le isnad. Il y a un qita' entre Abu al-Bakhtari et Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Wa ibn Abi Hatim rahimahullah qala sami'tu abi ay al-imam Abu Hatim rahimahullah yaqul Abu al-Bakhtari at-ta'i lam yudrik aliyan wa la Abu Sa'id al-Khudri wa lam yudrik Zayd ibn al-Thabit wa la Rafi' ibn Khadij. Anzur al-Marasi. Kadhalik al-Hafid ibn Hajar, il a démontré هذا. Et Cheikh Muqbil, il avait cité le hadith, il avait hassan ou sahah le hadith, ثم il l'a cité في ahadith mu'allam. قال هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدتهم رجال الصحيح. نعم, ils font partie des hommes de الصحيح. لكن أبا البختري وهو سعيد بن فيروز لم يسمع من أبا سعيد حكى في جامع التحصيل عن أبي حاتم. Et on a cité sa parole. وهكذا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله, il a cité ce hadith et il l'a da'af dans son rad ala Hassan al-Maliki. Hassan al-Maliki, هذا سامنحرف يطعن في الصحابة رضي الله عنه. Comme il fait هذا المخذول qu'on a nous, et il cite les mêmes choubah. Il cite exactement les mêmes choubah. Cheikh Abdel Mohsin, il a écrit un rad à l'intisar les sahabat al-akhyar. Un rad ala Hassan ibn Farhan al-Maliki. Et c'est un khabith, un mujrim, yat'an fi ashab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est les mêmes choubah. Il cite ce hadith, et yat'anoun bi shidda fi Muawiyah, radiyallahu anhu, et fi Amr ibn al-As, etc. Kadhalik mina al-khubatha al-ta'ilin fi ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à notre époque, Adnan Ibrahim. Il est d'origine palestinienne, et c'est un khabith. Yat'an fi ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. هؤلاء تلي تروف انهم يفون دي زيفور اي زيكريف اي فون دي خطاب دي دروس في طعن في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم certains d'entre eux comme Muawiyah etc. et tu les trouves مع اهل البدع والاهواء والشيعة والروافض والمعتزلة etc. ils ont du rifq. لماذا؟ لان ils font tous partie de اهل الاهواء والبدع. اهل الاهواء والبدع ils ont tous كانهم ils sont tous mis d'accord pour combattre اهل السنة, les compagnons et ceux qui sont venus après. Et inshallah, dans la troisième partie, on citera Tu'unat hadha ar-rajul fi ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi ba'dihim. Na'am naktafi bi hadha al-qatr. Subhanak lahum bihamdik shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.